Le maréchal Kim Jong-un, président du Parti du Travail de Corée, président du Comité des Affaires d'État de la République Populaire Démocratique de Corée et commandant suprême de l'Armée Populaire de Corée, s'est rendu au central Kunmin de Wonsan, création de la confiance en soi. Il a été accompagné des cadres responsables du comité central du parti, surtout Choi Ryong-hae, membre de la commission permanente du bureau politique du comité central du parti, vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée et vice-président du comité central du parti. Le maréchal Kim Jong-un est monté tout d'abord au sommet du barrage des centrales majestueuses. Dominant un grand lac artificiel étendu à perte de vue, où les eaux bleues ondulent, il a estimé extraordinaire et gigantesque, en déclarant qu'il ressent profondément combien est énorme et terrifiant la mentalité de l'homme décidé à faire l'impossible, et que la créativité et l'intelligence de notre peuple, qui domptent à son gré la grande nature, sont vraiment inépuisables. Il a continué. Grâce à l'achèvement des centrales Kunmin de Wonsan, des assises solides sont jetées pour régler mieux le problème de l'électricité nécessaire au développement économique et à l'amélioration de la vie des habitants de cette province, et aussi de l'eau potable pour habitants et des eaux industrielles et d'irrigation, ainsi que pour embellir davantage le paysage naturel à ses alentours. Ainsi, une perspective sûre est inaugurée pour exaucer à merveille le vœu du général Kim Jong-il qui s'était soucié beaucoup de l'amélioration de la vie des habitants de la province du Gangwon. Sur le chemin à destination du barrage, j'ai constaté que les montagnes étaient vraiment abruptes. J'avais le cœur gros à la pensée que le général s'était beaucoup intéressé pour assurer une vie heureuse aux habitants du Gangwon, à tel point qu'il s'était rendu jusqu'à cet endroit. Ce sont les centrales posthumes empreintes de la volonté du général et les centrales marquées de son vœu patriotique, attachement à une grande puissance. Puisque les cadres, les militants du parti et autres travailleurs du Gangwon ont travaillé énergiquement pour appliquer les recommandations du leader et défendre la politique du parti avec le vif regret envers le général qui s'est voué corps et âme pour leur prodiguer le bonheur, ils ont su créer un miracle fier d'achever les travaux de construction colossaux par la force de la province. Les eaux bleues ondulant dans le grand lac artificiel des centrales Kunmin de Wonsan, cadeau empreint de la fidélité à notre général des habitants du Gangwon, qui vivent en lien de sang avec le général, couleront à jamais comme source de l'amour du général pour le peuple dans tous les cœurs des habitants du Gangwon. Regardant plus d'une fois le barrage, le maréchal Kim Jong-un a dit que la hauteur des centrales montre la foi de nos militaires et civils déterminés à partager jusqu'au bout le sort avec le parti, quoique le ciel s'écroule, et la puissance indestructible de l'union de tous les militaires et civils faisant bloc autour du parti. En indiquant les caractères de grand format, confiance en soi, gravés sur le barrage, il a dit qu'ils se sentent forts et que ce sont les centrales qui ont témoigné une fois de plus que seule la confiance en soi est notre issue et que ce sont les centrales empreintes de l'esprit d'attaque inflexible de notre parti, avant d'affirmer que rien dans le monde ne peut triompher du moral indomptable de notre peuple, décidé à mettre sur pied à tout prix une grande puissance socialiste par ses propres forces, techniques et ressources naturelles. Ensuite, le maréchal Kim Jong-un a fait le tour de la salle historique des centrales, des salles de dynamo, de commande de la centrale numéro 2, pour s'informer en détail de l'état de construction, de production électrique et d'approvisionnement. Il a souligné « Les centrales Kunmin de Wonsan sont excellentes du point de vue du plan, et la construction aussi est assurée au niveau suprême. » Je suis profondément touché des efforts de la population de la province du Gangwon qui a mis sur pied une imposante création monumentale. Les exploits des habitants du Gangwon qui ont écrit une brillante page dans l'histoire d'édification d'une patrie riche et puissante sont un trésor précieux à transmettre pour toujours dans l'histoire de notre parti. Le maréchal Kim Jong-un a donné des instructions précieuses à servir de guide dans la gestion des centrales, notamment entretenir bien et régulièrement des installations des centrales, éliminer la fuite électrique du système de transmission, rehausser la capacité technique des conducteurs pour traiter de façon stable et habile les machines et aboutir à un plus haut niveau du système de production intégrale. Il a dit. Apprenons l'esprit de travail des habitants du Gangwon au cours de l'inspection des centrales Kunmin de Wonsan. Je me suis convaincue que je peux bel et bien risquer même la vie avec un tel peuple opiniâtre qui déplace même la montagne et remblait même la mer à l'appel du parti, et que l'on peut anticiper le jour de l'édification d'une grande puissance socialiste. Le maréchal Kim Jong-un a apprécié les cadres, les militants du parti et autres travailleurs de la province du Gangwon qui ont construit les nouvelles centrales d'une grande capacité dans leur pays natal en tant que combattants inflexibles qui ont démontré dans la pratique la grande vitalité de la primauté et de la capacité de se renforcer par soi-même et de créateurs de l'esprit de la province du Gangwon avant d'inviter tout le pays à l'apprendre. Il a complimenté le travail du comité du parti pour la province du Gangwon qui, à travers la construction des centrales Kunmin de Wonsan, a montré dans la pratique que rien n'est impossible si les affaires d'organisation et politique sont livrées de façon intensive chez les habitants, avec la foi que l'on doit compter seulement sur sa force, tout en libérant au maximum la mentalité des masses populaires déterminées à appliquer jusqu'à la fin, au prix de la vie, les recommandations du général. Il a souligné que toutes les organisations du parti doivent, tout comme le comité du parti pour la province du Gangwon, considérer comme vitales les recommandations du président Kim Il-sung et du général Kim Jong-il, ainsi que la politique du parti dans l'application de la décision du 7e congrès du parti, a invité vigoureusement les militants du parti et autres habitants à créer la vitesse de maniement et à anticiper la victoire éclatante de l'édification d'une puissance socialiste. Le maréchal Kim Jong-un a déclaré que la confiance et l'attente à l'égard des habitants de la province du Gangwon ont augmenté et il les a encouragés à avancer à la tête de tout le pays dans tous les secteurs en faisant progresser la création et l'édification sans se laisser griser des succès obtenus. Tout le personnel des centrales Kunmin de Wonsan s'est déterminé à appliquer à fond les instructions sur place du maréchal Kim Jong-un en contenant mal l'émotion envers le maréchal qui est venu dans son lieu de travail pour préciser clairement la voie à suivre et se faire photographier en souvenir, bien qu'il soit très occupé pour la direction de l'offensive finale en vue de terminer avec succès la campagne de 200 jours.